franceinter.fr. Bonsoir, chers auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Autant en emporte l'histoire, l'émission de France Inter qui raconte une histoire dans l'histoire, qui nous entraîne partout et à toutes les époques, sans limite, le Paris des années folles, la Russie des Tsars ou encore l'Italie de la Renaissance, toujours dans le cœur d'un homme ou d'une femme, en apparence si lointain, si lointaine, et qui pourtant nous ressemble. Ce soir, c'est au Tibet que nous partons, en compagnie d'une femme qui n'en finit pas de nous inspirer, Alexandra Davinel, l'exploratrice qui, en février 1924, après une marche clandestine de plus de 2000 km, fut la première femme occidentale à entrer dans Lhasa, la capitale du Tibet, alors interdite aux étrangers. Alexandra Davinel, qui ne ressemble en rien aux femmes de son époque. Avec son manteau sale et difforme, sa capuche enfoncée jusqu'aux yeux, son sac et une marmite sur le dos et un bâton à la main, la jeune fille de bonne famille qu'elle fut est devenue une autre, une mendiante tibétaine. Passer inaperçue, se fondre dans le paysage. Et quel paysage ? Celui grandiose des montagnes de l'Himalaya. Dans une aventure autant physique que mystique qui va la conduire au bout de son rêve. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Joëlle Désiré Marchand, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été longtemps géographe, cartographe et chemin faisant avec ou sans carte. Vous nous expliquerez d'ailleurs tout à l'heure par quel chemin, justement. Vous vous êtes passionnée pour cette femme, cette exploratrice, cette orientaliste, Alexandra Davinel, à laquelle vous avez consacré plusieurs livres. Pourquoi cette femme vous fascine-t-elle ? Eh bien, comme vous venez de le dire, je suis arrivée à Alexandra par le biais de la cartographie, parce que, étant donné ma profession de géographe-cartographe, j'avais eu l'intention de faire un article sur la cartographie du Tibet. Son nom s'est imposé à moi, et j'ai commencé à lire tous ses livres, et je me suis aperçue que ces itinéraires de voyage n'avaient pas encore été reconstitués, ni cartographiés, et ce manque dans la connaissance que l'on avait de l'exploratrice m'a incité à me plonger complètement dans l'œuvre de cette femme. J'ai découvert que c'était vraiment un personnage hors du commun qui méritait vraiment des recherches approfondies. Oui. Donc elle a commencé sa vie comme cantatrice, puis journaliste, féministe, orientaliste, conférencière, voyageuse, exploratrice. On n'en finit plus d'énumérer ses dons et ses talents. Et en plus, elle était une femme de lettres. Elle a à son actif une vingtaine de livres, une cinquantaine d'articles. Et puis elle avait opté pour le bouddhisme à une époque où il n'était pas du tout pratiqué en Europe et très très mal connu. À la fin du 19e siècle, quand même, il y avait un intérêt pour l'Asie, il y avait la théosophie, toutes ces choses. Il y avait quand même une espèce de ferment comme ça qui était prêt à éclore. Enfin, il y avait quand même un terrain propice, quand même. Un terrain propice, si l'on veut. Mais si vous voulez, il y avait d'une part, justement, des personnages assez extravagants qui se lançaient dans l'ésotérisme, dans le cadre d'associations ou de groupes. Le spiritisme était très à la mode. Et puis, il y avait d'autre part des travaux universitaires, mais qui traitaient de l'orientalisme à travers les livres. Or, ce qu'Alexandra voulait, c'était connaître les philosophies d'Orient et le bouddhisme en particulier sur le terrain. Elle a voulu aller à la rencontre des maîtres qui ne vivaient pas du tout en Occident. C'est une autre époque. Alors la fiction qu'on va écouter dans quelques minutes commence en 1920, quand Alexandra Davinel va prendre donc la décision un peu folle d'entrer au Tibet et de marcher vers Lhasa, la ville interdite, avec son compagnon et fils adoptif Afour Yongden. Bon, à ce moment-là, c'est pas une gamine, elle a 52 ans, elle le sait pas, donc elle aura encore de longues années à vivre, mais elle a aussi déjà beaucoup vécu, vous venez de nous le rappeler, Joëlle Désiré Marchand, mais est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, qu'elle vit selon le désir de son enfance, un goût immodéré pour les voyages et en même temps un goût fort pour le mysticisme? Oui, tout à fait. Enfin, en 1920, justement, elle est en train d'accomplir un nouvel exploit. Enfin, on en parlera tout à l'heure si on a le temps. Elle vit au monastère de Kumbum. Donc, c'est un grand monastère du bouddhisme tibétain situé au nord du Tibet, en Amdo. Elle est arrivée dans ce monastère en 1918 et elle va y rester jusqu'en février 1921. C'est-à-dire qu'elle séjourne 3 ans, alors que c'est un monastère d'hommes et normalement, aucun occidental ne vient séjourner aussi longtemps dans ce type d'établissement. Mais elle, à ce moment-là, est déjà reconnue comme une dame lama. Elle a déjà rencontré de hautes personnalités, dont le 13e Dalai Lama, le Panchen Lama. Elle a vécu en ermite pendant 2 ans en Himalaya. Donc, elle est imprégnée de ce type de vie ascétique et elle a été acceptée donc, au monastère de Kumbum. Donc, en 1920, par contre, en revanche, c'est une année très difficile pour elle car elle n'a plus d'argent. Et donc, elle écrivait à son mari Philippe, qui était resté en Algérie, à ce moment-là, en Tunisie. Et les mandats mettaient des mois et des mois à parvenir. Bon, c'est l'histoire justement qu'on va entendre maintenant, oui. Joël Désiré Marchand. Je vous propose que nous nous retrouvions dans une trentaine de minutes, le temps d'écouter Alexandra David-Nel au Tibet, pour le bouddhisme ou pour la gloire. Un texte original écrit pour Autant n'importe l'histoire par Christelle Mouchard. Réalisation Juliette Eman. Mon cher Philippe, tu me demandes de rentrer. Je ne peux pas. Pas encore. Quel que soit mon désir de te revoir, je ne peux pas m'arracher du Tibet. Écoute, tu vas me comprendre. Hier, je me tenais sur le seuil de ma chambre. Par-dessus les murs, on apercevait les montagnes et le ciel bleu. Derrière moi résonnaient les harmonies d'une musique sacrée. Je me sens comme enchaînée à ces lieux, clouée sur place. Je sais, je me fais vieille et mes recherches sont terminées. Mais j'ai encore une chose à accomplir. Après cela, c'est promis, je poserai mes bagages et nous vieillirons ensemble dans une petite maison où j'écrirai mes mémoires. Mars 1920, au monastère de Kumbun, au nord du Tibet, Alexandra David-Nel écrit à son mari. Elle est arrivée dans ce lieu saint 2 ans plus tôt, en juillet 1918, pour y traduire des manuscrits anciens et approfondir sa formation bouddhiste. Elle a avec elle Afur Yongden, un jeune homme qu'elle a pris pour serviteur lors de son séjour au nord de l'Inde en avril 1914. Il avait alors 15 ans. Il en a 21 maintenant et il ne l'a jamais quitté. Il est pour Alexandra bien plus qu'un domestique, un fils adoptif. Elle n'imagine pas de rentrer sans lui en France. Mais pour cela, il faut qu'il accepte de partager une ultime épreuve. Yongden, j'ai une question à te poser. Oui, mère. Je suis prêt. Non, il ne s'agit pas de bouddhisme cette fois. C'est plus grave. Plus grave ? Oui, enfin. Tu vas me comprendre. Certainement. Voilà. Jusqu'où es-tu prêt à me suivre ? Vous le savez. J'ai quitté pour vous ma famille. Je vous ai suivi en Inde, puis Birmanie, Indochine, Japon, Corée, traversée de la Chine. Je sais, mais pourrais-tu me suivre encore plus loin? Jusqu'en France? C'est mon rêve le plus cher, finir mes jours auprès de vous, mère. J'y compte bien, Yongden. Mais je ne parle pas de la France. Avant cela, il est possible que j'aille plus loin que je ne suis jamais allée. C'est-à-dire? Je vais rentrer en France, mais en passant par l'Inde. Par l'Inde? Mais d'ici jusqu'à l'Inde, il y a l'Himalaya, il y a... Oui, tu as compris. Vous voulez passer par Lhasa? Vous savez que c'est impossible. Cette route est interdite aux étrangers. Justement. Je ne comprends pas. Vous voulez y aller parce que c'est interdit? Non. Enfin, Yongden, Lhasa, la ville du Dalai Lama, la cité sacrée. Ah, vous voulez accomplir un pèlerinage, donc? Voilà, un pèlerinage. le plus grand des pèlerinages. Le plus dangereux aussi. Oui, c'est vrai. Alors tu viens avec moi. Je sais que ce sera difficile, mais songe à la récompense au bout du chemin. Contempler le Potala, suivre le chemin de prière autour du Yokan. Qu'est-ce qu'un bouddhiste tibétain pourrait souhaiter de mieux ? Rien, sans doute. Mais nous avons toutes les chances de mourir avant d'y arriver. Yongden, si je n'étais pas sûre de réussir, je ne le tenterais pas. Je m'en doute. Ma voie à moi est de vous suivre, mère. J'espérais que tu le comprendrais, mon petit. Bon. Quand partons-nous ? Dès que j'aurai l'argent nécessaire. Je dois écrire à mon mari. Cher Philippe, je suis résolue à faire le grand voyage dont je t'ai parlé. Le dernier de ma vie. Il me faut pour cela la plus forte somme que tu pourras me faire parvenir. Nous sommes le 3 mars 1920. Tu recevras cette lettre en mai ou en juin. Un chèque mes 4 mois de Marseille à Pékin. Comme je suis à plus d'un mois de voyage de Pékin, je ne recevrai ton chèque qu'en novembre. Il faudra que je le signe et le renvoie à l'agence Cook. Encore un mois et nous voici en décembre. On m'enverra alors un mandat. Encore un mois de passé. Je quitterai donc Kumbum vers janvier ou février 1922. Étonnante correspondance que celle d'Alexandra David et de Philippe Nel. Tout le temps de leur longue séparation, ils ne cessent de s'écrire. Alexandra, surtout, semble ne pouvoir se passer de cet époux qu'elle a pourtant choisi de quitter. Pourquoi toutes ces lettres ? Pour continuer leur interminable querelle sur la folie qu'a été leur mariage. Pour se raconter leur vie aussi, et commenter l'histoire en marche. Mais plus encore, pour parler d'argent. Car Alexandra, selon la loi, dépend de Philippe, qui a toute autorité pour lui envoyer, ou pas, l'argent nécessaire à ses pérégrinations. Cher banquier, je vous demande encore une fois de faire parvenir de l'argent à ma femme. Oh, la vagabonde ! Où est-elle en ce moment, notre Alexandra ? Très loin. Je vous dirai le nom, ça ne vous avancerait pas. On y trouve des montagnes, des temples, des lamas. Des lamas ? Je la croyais en Asie. Mais non, pas l'animal, le moine. Vous savez, ces bouddhistes tibétains avec un bonnet pointu. Il y a aussi des yaks, de grosses vaches poilues. Là-bas, on mange du beurre rance dilué dans du thé et on laisse pourrir ses morts au soleil. Charmant pays. Combien alors ? Comme la dernière fois ? Non, elle me demande 10 000 francs. Mais je voudrais bien liquider ça d'un coup. Elle semble décidée à rentrer, figurez-vous. Je vais lui envoyer 18 000. C'est trop pour un simple retour. Vous nous cachez quelque chose. Allez, dites. Où va-t-elle cette fois ? Aucune idée. Oh, je devine que si, mais que vous ne voulez pas le dire. Admettons. En confidence. Elle m'écrit d'être discrète. Alors, je ne voudrais surtout pas que mes bavardages parviennent jusqu'aux oreilles de ces moines qui mangent du beurre rang sur des vaches poilues. Ne vous moquez pas. Tenez, rien que les missionnaires, ils passent leur temps à circuler d'un continent à l'autre. Autant rester discret. Ah, je comprends. Ce n'est pas dans ce coin-là que Dutreil de Reims, l'explorateur, a perdu la vie ? Si, précisément. Imaginez une femme seule dans ces régions sauvages. Oh, ça, ce n'est pas le problème. Bon, quand même. Ce serait un problème pour un explorateur bien entraîné, mais pas pour une personne du sexe faible ? Pas pour celle-là, en tout cas. Vous vous souvenez qu'Alexandra est bouddhiste ? Difficile de l'oublier. Eh bien, apprenez qu'elle a été ermite pendant 2 ans et que c'est une authentique lamina, maintenant. Lamina ? Une dame lama. Eh bien. C'est la première fois que je fais un chèque à une dame lama. Mais vous savez, elle ne va pas le recevoir avant je ne sais quand. Tant pis, elle se serrera la ceinture. Ça ne la gêne pas, elle ne mange pas de viande. Juste un peu de beurre rance et de l'orge grillée. Vive le bouddhisme. Bonne nouvelle, Yongden. J'ai reçu l'argent de mon mari. Plein d'argent. Il était temps. Vous allez pouvoir me racheter des vêtements. Regardez, ma robe est toute trouée. Nous allons pouvoir partir, surtout. Vraiment ? Vous y pensez toujours ? Lhasa ? Ne prononce pas ce nom. Officiellement, je rentre chez moi. On verra bien que vous allez au sud et non vers l'est. C'est pourquoi nous irons vers l'est comme si nous rentrions vers Pékin. Puis doucement nous obliquerons vers le sud et puis droit vers l'ouest à travers le pays d'Amdo jusqu'à croiser la route de Lhasa. Et ça prendra combien de temps? Pas tant que ça. Lhasa est à 1300 km d'ici à vol d'oiseau. Avec le détour, ça fera 2000 km, je pense, à peu près. Vous savez ce qu'on dit de cette région que nous allons traverser? Que les hommes y sont paysans le jour et brigands la nuit. Nous aurons de quoi les intimider. Des fusils, des revolvers et des hommes. 3 ou 4, je pense. Il faudra des provisions et des mules. Et un cheval, pour moi. Des tentes, des ustensiles de cuisine, des couvertures, ma baignoire portative, nos vêtements de cérémonie, la soierie, les fourrures, etc. Nous ne serons pas invisibles. Je n'ai pas l'intention de l'être. Je veux juste faire oublier mon origine européenne. Ne suis-je pas une authentique dame lama? Est-ce que je ne parle pas le tibétain aussi bien que toi? Vous jurez comme un vrai tibétain. Merci. Tu ne le sais pas, mais j'ai été comédienne dans ma jeunesse. Comédienne? Vous? Et chanteuse lyrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je chantais de l'opéra. Mais chut, ne le répète pas, j'ai honte. Mais dites-moi, est-ce que vous jouez la comédie quand vous priez? Non, Yangten. Enfin, pas comme tu le crois. Le bouddhisme a profondément changé ma vie. Mais je déteste la superstition. Alors oui, quand il s'agit des simagrées et des rites tibétains, je joue la comédie. Comme le jour où vous avez refusé de vous prosterner devant le Dalai Lama? Je n'aime pas les papes, qu'ils soient bouddhistes ou catholiques. Et vous n'aimez pas les frontières interdites? Yongden, tu me connais trop bien. Mais ça me revient. Il y a 10 ans, quand vous étiez au Sikkim, vous avez déjà essayé d'entrer au Tibet. Et les Anglais, n'est-ce pas, vous ont expulsé pour cela? Ne me parle pas des Anglais. Si c'était les Chinois ou les Tibétains qui interdisaient le pays, je m'en ferais une raison. Mais les Anglais? Des hypocrites? Des sournois? Rien que pour ça, je... Oui? Rien. Laisse-moi maintenant. Je vais méditer. Février 1921. La situation au Tibet est confuse. Placée entre la Chine, l'Inde anglaise et les confins de l'Empire russe, le petit royaume du Dalai Lama est dans une position dangereuse. Longtemps soumis à la Chine, le pays a proclamé son indépendance en 1912 et le Dalai Lama est rentré dans sa capitale, Lhasa. Mais cette liberté est très relative. En fait, un accord signé en 1914 a divisé le Tibet en 2 zones d'influence. Au nord et à l'est, celle qui est soumise à la Chine, au sud, celle qui a été, entre guillemets, reconquise par le Dalai Lama, de fait sous contrôle des Britanniques. Alexandra sait ce qu'il en coûte de transgresser les barrières invisibles dressées par les Anglais. C'est pourquoi elle est déterminée à prendre le temps qu'il faudra pour réussir. Elle ne sait pas, cependant, qu'elle va errer pendant plus de 2 ans d'échec en échec. Septembre 1921. C'est trop bête, faire demi-tour si près du but. Si près du but? Vous voulez rire? Nous venons à peine de finir votre détour et nous ne sommes même pas encore sur la route de Lhasa. Je veux dire si près de la frontière. 6 mois de route pour rien? Pas pour rien, non. Nous avons rencontré ces fameux paysans brigands, les gens charmants. C'est vrai? Ils se prosternaient devant vous. Eh, ce n'est pas si fréquent, une dame lama. Et pas n'importe laquelle. À vous voir distribuer les bénédictions et les médicaments, on pouvait croire avoir rencontré une vraie kadoma. Une kadoma, ce n'est pas une sorcière? Non, c'est une vraie fée. Une intermédiaire avec les déités de l'Himalaya. Quand j'y pense, avec tout ça, ce ne sont pas des brigands ni des villageois superstitieux qui nous ont arrêtés, mais un petit fonctionnaire m'ordonnait de faire un demi-tour. Quel culot! Très poli d'ailleurs, ce fonctionnaire, mais ferme. Ce n'est qu'un fonctionnaire, après tout. Nous pourrions passer outre. Ma mère... Vous avez vu ce qu'il y avait sur la place à l'entrée de la ville? Quoi? Le marché, les chameaux? Non, les 2 échafauds remplis de sang. Ah, je me suis renseigné. Ce sont des brigands qu'on vient d'exécuter. Vous voyez? Poli, mais ferme. Il n'oserait pas faire de mal à une lamina. Il vous a démasqué, mère. Il sait que vous êtes française. Auprès d'un fonctionnaire, c'est plutôt une garantie. Oui, mais vous savez comment ils procèdent avec les étrangers. Ils font savoir aux bandes de brigands sur quelle route vous êtes. Rassure-toi, Yangdela. Je ne prendrai pas le risque de lui filer entre les mains. Même si j'étais intouchable, toi tu ne l'es pas. Personne n'est intouchable. Vous vous souvenez de l'histoire de l'émissaire chinois découpé en morceaux par des villageois ? N'essaie pas de me faire renoncer. Je ne bouge pas. J'attends qu'il m'oublie, voilà tout. Jusqu'à quand ? Le temps qu'il faudra. Bon, je vais chercher un endroit où nous installer pour l'hiver, alors. Oui, c'est prudent. Moi, je vais écrire à mon mari. Les fonds sont bas. Mon cher Philippe, il y a bien longtemps que je n'ai reçu de tes nouvelles, mais je suppose que beaucoup de lettres se perdent avant de m'arriver. Je te remercie de ton envoi d'argent. Grâce à lui, j'ai pu acheter un cheval et ainsi ne pas avoir à barboter en traversant les rivières. Cela m'amuse quelquefois de me mettre à l'eau en retroussant ma robe, mais en hiver, je goûte moins ce plaisir. Je suis maintenant à Yekundo, bloqué par les autorités tibétaines. Si tu regardes la carte, tu vas t'étonner et me faire remarquer que je n'ai pas beaucoup avancé depuis 6 mois. Je t'expliquerai. En attendant, mon grand ami, j'ai encore besoin d'argent. Vois ce que tu peux faire. Philippe, encore ? Oui, pour la même, à peu près au même endroit. Mais votre femme devrait être rentrée depuis le temps. Que vous dire ? Elle est toujours dans le Tibet chinois, un peu plus au sud qu'avant, je crois. Dans une ville nommée Yekundo. Dis donc, j'ai lu la presse. C'est la guerre civile là-bas. Oui, la région est ravagée. On parle de petits seigneurs de la guerre qui se disputent des lambeaux de territoire. Et cela ne vous inquiète pas ? Oh, Alexandra se débrouille de ça comme du reste. Avec son culot et son sale caractère... Vous voyez ce que je veux dire. Ah non, je ne vois pas. La dernière fois que je l'ai vue, elle était en robe du soir et chantait la Traviata. Quelle présence, n'est-ce pas ? Ça n'était peut-être pas la plus grande voix, je le reconnais, mais elle avait l'intelligence de la musique. L'intelligence et la passion. Elle était féministe aussi, non ? Oui, féministe, anarchiste, bouddhiste et têtue. Surtout têtue. C'est pourquoi elle ne rentrera pas avant d'avoir atteint son but. Je le crains. Vous le craignez ? Dites, Philippe, en confidence. Le craignez-vous tant que ça ? Depuis le temps que vous restez fidèle au poste... Fidèle. N'exagérons pas. Oui, enfin, justement, la voir revenir, ce serait plutôt embarrassant, non ? Peut-être. Mais je reste son meilleur ami. C'est un titre auquel je suis attaché. Après tout, notre mariage n'a jamais été ordinaire. Ah, en effet. Un ingénieur des chemins de fer avec une chanteuse d'opéra, femme de lettres... Qu'est-ce qui vous a réuni ? Et ne croyez pas à l'amour et moi non plus. Et c'est ce que vous vous êtes dit en guise de déclaration ? Oui, et même pire. Elle m'a écrit un jour que nous nous étions mariés par méchanceté plutôt que par amour. En fait, ce n'est pas vrai. Nous nous sommes mariés par défi. Je vois. Elle a voulu vous séduire parce que vous étiez contre le mariage. Vous, vous avez voulu la séduire parce qu'elle était féministe. Et il nous reste cette amitié épistolaire. Ce qui fait que vous serez bien embêté si elle revient. Peut-être. Mais je n'aime pas l'imaginer en train de souffrir. Bien sûr. Je prépare tout de suite les papiers pour envoyer l'argent. Tout de même, Philippe, votre générosité... Oh non, ne parlez pas de générosité. C'est son argent que je lui avance. Elle a fait un héritage. Et puis, il faut bien que j'assume. C'est moi qui lui ai conseillé de partir pour soigner sa neurasthénie. Alexandra, neurasthénique ? Mais oui, dès qu'elle se repose, elle s'effondre. Ça allait si mal les derniers temps que je lui ai dit de voyager pour se changer les idées. Elle vous a obéi. 10 ans de bougeotte. Et maintenant, cette ville improbable au bout du monde, Yekundo, dans le Tibet chinois. Et après ? Ça, je ne peux toujours pas vous le dire. Depuis Yekundo, Alexandra va encore essayer à 2 reprises d'atteindre Lhasa. En vain. La première fois, elle tente de passer par l'ouest en franchissant les monts Kunlun. Mais après 10 jours, prise par la neige, elle doit faire demi-tour. La deuxième fois, elle manque de peu de réussir. Fonçant droit vers le sud, le plus vite possible, elle parvient à franchir la frontière interdite. Mais 3 jours plus tard, en février 1922, elle est reconnue par des villageois. Elle doit encore faire demi-tour. Mais loin de la faire renoncer, ses échecs la convainquent qu'elle a tout pour réussir. L'endurance, l'audace et surtout la connaissance du pays. Ce qui lui manque, c'est un itinéraire. C'est alors qu'elle rencontre à Yekundo le général George Pereira. Yongden, ça y est, je l'ai roulé. Qui ? Le général anglais ? Oui, un gentleman, soit dit en passant. Nous avons eu une conversation délicieuse. Chère madame, votre culture, votre érudition sont fantastiques. Et moi, je l'ai flatté. Général, quel courage. Seul sur ces routes, je n'oserais jamais. Vous, ne pas oser ? Il fallait l'endormir, passer pour une vieille excentrique inoffensive. Pourquoi l'endormir ? Vous n'espérez pas qu'il vous emmène à Lhasa ? Non. Il y va pourtant, le bougre, et sans se cacher. Alors en quoi l'avez-vous roulé ? C'est un géographe en mission, figure-toi. Il fait de la cartographie. Et il m'a donné un itinéraire vers Lhasa qui n'est pas surveillé. Comment est-ce possible ? Nous avons tout essayé. Non. Regarde. C'est une carte qu'il m'a confiée. Là. On descend, on passe par le Sichuan, on remonte le Mékong et on oblique à l'ouest. Là. Pourquoi il y a un pointillé, là ? Zone inconnue. Personne n'y est encore passé. Je veux dire, aucun Européen. À quoi sert d'avoir la carte, alors ? Pour la remplir, voyons. Je vois. Dites, ma mère, si personne n'est encore passé par là, c'est peut-être que c'est impossible. C'est ce que l'Anglais a pensé, en tout cas. C'est pourquoi il m'a filé le tuyau sans se méfier. Bon. J'ai compris, je vais préparer les bagages. Et nous risquons d'être arrêtés avant même d'arriver à cette vallée cachée. Nous sommes tellement connus maintenant. Tu as raison. Aussi, cette fois, nous allons partir vers le nord. Le nord ? Mais Lhasa est au sud. Oui. Comme ça, bien malin qui pourra deviner. Nous en profiterons pour aller voir cette nouvelle découverte. La grotte des 1000 Bouddhas à Dunhuang. C'est très loin, ça. Et nous pousserons vers le désert de Gobi, pour voir. Oh non ! C'est plus qu'un détour, cette fois. Passer par le désert de Gobi pour se rendre à Lhasa, cela ressemble à une plaisanterie. Pourtant, Alexandra sait ce qu'elle fait. Elle efface ses traces, elle se fait oublier. Ainsi va-t-elle encore vagabonder sur les routes de Chine pendant près d'un an, avant de reprendre la route du sud-est jusqu'au Sichuan. Là, dans la capitale de cette province, elle reçoit un soutien imprévu. Cher Philippe, je suis en ce moment à Chengdu, capitale du Sichuan. Je me suis présentée au consul de France et figure-toi qu'il me connaissait de nom. Il s'intéresse à mon voyage et s'offre même à me prêter de l'argent, ce qui tombe bien, car je vais me lancer dans une nouvelle tentative. Ah, Philippe, je vous en prie, asseyez-vous. Vous prendrez quelque chose ? Volontiers. Garçon, un picombière. Alors dites, je vous vois plus ces temps-ci. Vous ne voulez plus envoyer d'argent en Chine ? Eh bien non. Figurez-vous qu'Alexandra en a trouvé toute seule. De plus en plus fort. Elle a rencontré un consul qui lui a ouvert sa bourse à volonté. Elle ne rentre pas donc ? Je n'en sais rien. Elle me prévient juste qu'elle va me laisser plusieurs mois sans nouvelles. Merci. Voilà qui est étrange. Dites donc, elle serait pas un peu espionne, votre femme ? Quelle idée ! Je regardais la carte depuis votre dernière visite. Il est évident qu'elle se promène sur la frontière du Tibet intérieur que les Britanniques considèrent comme leur chasse gardée. Je vous le concède, mais parmi ces marottes, il y en a une que je n'ai pas citée. Qui est ? Faire la nique aux Anglais. Il est certain que si elle entre dans Lhasa au nez et à la barbe de Tommy, j'en connais plus d'un qui vont bicher au Quai d'Orsay. La générosité du consul de France n'est pas étrangère à ce raisonnement, on s'en doute. Je vous le disais. Mais n'allez pas trop vite. Alexandra est prête à prendre l'argent là où il y en a, mais ce n'est pas pour faire du renseignement, j'en suis sûr. Non, pour elle, la route de Lhasa, c'est une quête. Une sorte de marche vers la connaissance, il me semble. Et vers la gloire, sans doute. La gloire ? La célébrité, si vous préférez. Vous venez de dire une chose et son contraire en une phrase, Philippe. La marche vers la connaissance et le désir de célébrité ne font pas bon ménage, que je sache. En apparence, vous avez raison. Pourtant, Attendez. Regardez ce qu'elle m'a écrit dans sa dernière lettre. Écoutez, gardez bien mes lettres. Voilà. Au printemps prochain, je pourrai produire quelques effets avec mes livres de voyage, mais n'en dites rien à personne. Cela pourrait nuire à mon succès. Je ne suis pas sûr que ce soit très bouddhiste, ça, mais c'est plein de bon sens. Pourquoi le bon sens ne serait-il pas au service du bouddhisme et vice-versa? Tenez, vous savez qu'Alexandra pratique la méditation? Eh bien, figurez-vous qu'on peut s'en servir pour apprendre à rester tout nu dans la neige sans avoir froid. Ils appellent ça le tumo. Et ça marche? Elle me dit qu'elle a réussi à sécher instantanément un briquet mouillé rien qu'en le posant sur son corps. Voilà qui est utile, au moins. Ça y est, j'y suis. Elle met sa recherche spirituelle au service de son appétit de gloire, c'est ça? C'est une façon de voir les choses. En effet, à regarder Alexandra David-Néel dans cet automne 1923, au seuil de son plus grand exploit, on ne peut que se poser la question. Est-ce que sa pratique du bouddhisme n'a pas été une longue préparation mentale à l'aventure extrême? Apprendre à faire le vide en soi, repousser les limites de la résistance à la douleur, accepter la renonciation, la frustration. De telles pratiques, on le sait maintenant, sont communes aux ascètes et aux sportifs. Alexandra en avait-elle conscience? En tout cas, elle était prête à les utiliser pour atteindre son objectif, quitte à en faire le plus parfait des déguisements. Mère, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dégoûtante. C'est le but. Tu vois? Un peu de cendre, un peu de cacao, j'applique délicatement sur les joues, le cou, les mains, un peu sur les vêtements aussi. Maintenant de l'encre de Chine sur les cheveux, des crins de yak pour les rallonger. Voilà. Comment me trouves-tu? Très laide, mère. Pour une dame lama, vraiment. Je ne suis plus une dame lama. Changement de tactique. J'attire trop l'attention. À partir de maintenant, je suis une paysanne. Même pas. Une pauvresse. Une mendiante. Et moi? Toi, tu restes ce que tu es. Un lama. Moi, je suis ta mère. Une vieille femme sans importance qui t'accompagne dans ton pèlerinage. Vous savez comment les gens traitent les vieilles femmes sans importance au Tibet? Oui. Je serai considérée comme ta servante. Mais justement, c'est le meilleur moyen de passer inaperçu. Mais les bagages? Les tentes? Votre lit de camp? Votre baignoire? Je les abandonne. Nous ne prenons pas de mules, pas de serviteurs. Tout doit tenir dans deux sacs. Garde juste un carré de toile pour nous isoler du sol. Un bol en bois, deux cuillères. Pas de provisions? Le minimum. Donc vous comptez sur ma robe de lama pour nous nourrir? Oui, on te fera l'aumône. Moi, je garderai la tête baissée. Et personne ne me remarquera. Aide-moi à mettre le sac sur mon dos. Oui, comme ça. À toi. Oh, c'est lourd! Combien de temps devrons-nous porter ça? Qui le sait, mon petit? Des semaines ou des mois? À la fin du mois d'octobre 1923, Alexandra et Yongden prennent la route du pays de Pau. Désormais, ils vont éviter les villes, les routes fréquentées et même les ponts, quitte à marcher de nuit ou à traverser les rivières à gué. Cette odyssée clandestine va durer 3 mois. 3 mois pendant lesquels Alexandra aura expérimenté tous les types de souffrances. Trouver son chemin n'est pas la moindre des difficultés, car en réalité, les cartes du général sont fausses et plusieurs fois, elle se perd. C'est ainsi qu'un matin de décembre, la mère et le fils se trouvent au pied d'un col à plus de 5000 mètres d'altitude. J'ai mal partout. La bouse de yak séchée, c'est pas terrible comme matelas. Et cette odeur. Je me sens tellement crasseuse. Je suis crasseuse. Mes ongles noirs. Mes engelures, mes cheveux pleins de poux. Si Philippe me voyait. Oh, j'ai faim. Non, je n'ai pas faim. Je ne dois pas avoir faim. Bon, allez, j'y long d'ici. Il faut passer le col aujourd'hui. Yongden, réveille-toi, mon petit. Il est temps de partir. Oh, j'ai froid. Mon manteau a gelé. Et j'ai faim. Depuis combien de jours nous n'avons pas mangé? 6 jours. Je peux pas me lever. Je suis tout engourdi. Tiens, prends cette bouse de yak. Elle est encore tiède et fait du feu. À quoi bon? Nous n'avons rien à cuire. Il y a encore nos bottes. Faites voir. Oh, je préfère marcher, de compte fait. Moi aussi. Il faut passer ce col le plus vite possible. Le mauvais temps arrive. Allez. Ce vent! J'ai jamais vu ça, on dirait qu'il tombe du ciel! C'est le vent d'altitude. Faudra faire attention une fois sur le col. J'ai entendu dire qu'il était assez fort pour emporter une caravane entière. Mais qu'est-ce que je fais ici? Allez, mon petit, lève les yeux. N'as-tu jamais rien vu de plus beau? Regarde, cette pente inondée de lumière, cette couronne de montagne. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. C'est fini. Nous avons passé le col. Sauvés. Vous croyez? Où on va maintenant? Attends, je prends ma boussole. Par là. Vous êtes sûr de ne pas dire ça au hasard? Tu le sauras d'ici la fin de la journée. Soit nous plongeons dans le vide, soit nous aurons trouvé un village. Je m'abandonne à vous, mère. Quoi, je vous amuse? Non, je m'amuse moi-même. Écoute, tu sais ce qui m'a fait le plus peur jusqu'à présent? À vous, rien. Si, j'ai eu peur. Pas de la faim, pas du froid. J'ai eu peur d'être reconnue, tout le temps. Et ce qui est amusant, c'est que cette peur m'a fait oublier toutes les autres. Je suis moins grand lama que vous, ma mère. Je dois vous avouer... Moi, ça m'est égal d'être reconnu et expulsé du Tibet si ça m'évite de mourir dans la neige. Mourir n'est rien, si ce n'est renaître. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là? Là, ma mère, là, le village. Nous avons réussi, Yongden. Lhasa est là, à portée de main. Pour la première fois depuis que je suis partie, je n'ai plus peur. À la fin février 1924, Alexandra Davinel et Afour Yongden entrent dans Lhasa. Ils sont tous les deux malades. Ils n'ont plus que la peau sur les os. Mais la ville sacrée semble s'être mise en liesse pour les accueillir. À l'occasion des fêtes du Nouvel An, processions et cérémonies se succèdent dans une débauche de couleurs, de musique et de parfums. Malgré leur fatigue, les deux pèlerins se mêlent à la foule qui tourne en se prosternant autour du temple du Jokhang. Ma mère, regardez là-bas, le palais rouge du Potala qui flambe dans le soleil. Toutes ces années d'errance nous conduisaient ici. À ce moment unique, réjouissons-nous, Yongden. Me réjouir? Suis-je encore capable de me réjouir? Je ne suis plus qu'un squelette, une ombre, et puis... Je suis fatiguée des temples et des lamas. Comme je t'envie, Yongden, d'être capable d'admirer tout cela. Est-ce cette image que je vais garder de mon aventure? Cette poussière, ce clinquant, ces simagrées? Non. Quand je ferme les yeux, ce n'est pas ça que je vois. C'est la vallée silencieuse et verte où nous sommes descendus après le col en décembre. cette branche fleurie d'orchidées sauvages que j'ai cueillie pour l'accrocher à mon sac. Je ne sais pas où nous étions. Je ne saurais même pas y retourner si je voulais. Tant pis, tant mieux. Un songe est un songe, et ce qui est fini est fini. N'y pensons plus. Bon, Yogden, nous y sommes à la salle. Mais maintenant, il va falloir en partir au plus vite. Comment ça? Nous sommes épuisés, mais nous toussons, nous avons la fièvre et vous parlez de repartir. C'est que si je m'attarde trop, je risque de perdre le bénéfice de ma victoire. Te rends-tu compte de l'exploit que nous avons réalisé? Je dois le faire savoir au plus vite. Si j'attends trop, Yongden, pourquoi me regardes-tu ainsi? Mais la voie de la connaissance. Ne t'inquiète pas. Je la retrouverai et je ne la quitterai plus. Mais avant cela, il faut que je publie un bon gros livre à succès sur mon aventure. Nous aurons besoin des droits d'auteur à notre retour en France, crois-moi. Car nous partons pour la France, Yongden. Veux-tu toujours me suivre? Vous en doutez? Pour quitter le Tibet, il reste encore aux voyageurs 500 km à parcourir à travers l'Himalaya. Ce qu'ils vont faire en moins d'un mois. Et le 5 mai 1924, dans la ville de Gyeongse, non loin de la frontière indienne, Alexandra sort de la clandestinité. Elle se présente à un fonctionnaire britannique qui écoute avec ahurissement cette mendiante malodorante lui expliquer dans un anglais châtié qu'elle est française et qu'elle vient de traverser le Tibet interdit. Après un moment de perplexité, fair play, l'anglais lui tire son chapeau et se met à son service. Bientôt, l'exploit de Madame Davidnel va être connu dans le monde entier, avant même qu'elle reprenne le bateau, un an plus tard, pour rejoindre un mari qu'elle n'a pas vu depuis 14 ans. Cher Philippe, cher grand ami, maintenant que cela est passé, un frisson me prend en songeant à ce que j'ai fait. Il me reste à t'exprimer ma très sincère reconnaissance pour ton aide. Je te dis la joie d'avoir vécu selon mon désir. Et bien rares sont ceux qui réalisent ce rêve de vivre la vie à laquelle leur nature les porte. Je suis vieille et brûlée, amaigrie, mais tu me trouveras belle, malgré tout. Car j'ai des yeux où luit toute la clarté des Himalayas. Alexandra Davinel au Tibet, pour le bouddhisme ou pour la gloire, un texte de Christelle Mouchard, avec Alexandra Davinel, Lara Brühl, Yongden, Brice Hilleret, Philippe Nel, Hervé Pierre de la Comédie Française, le banquier Laurent Lederer. Bruitage Sophie Bissens, prise de son montage et mixage Julien Douminc et Yannick Magnin, assistante à la réalisation Alice Cachaner, réalisation Juliette Eman. Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion avec Joël Désiré Marchand sur Alexandra Davinel. porte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Senko Namchilak, Dance of Eagles sur France Inter. À la réalisation, Antoine Dabrowski et Michel Biou, assistés de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka. À la technique, Frédéric Gastide. Joël Désiré Marchand, nous venons de revivre l'aventure au Tibet d'Alexandra Davinel, la première femme occidentale à entrer dans Lhasa, la cité interdite, c'était en 1924. Qu'est-ce qui, à vos yeux, est le plus fascinant dans cet exploit? La transgression d'un interdit ou la folle épreuve du cheminement, à la fois physique et mental? Eh bien, je crois que ça représente un exploit humain extraordinaire. Parce qu'elle, enfin, contrairement aux autres explorateurs qui gardaient leur personnalité d'occidentaux et qui avaient les moyens, bon, de parcourir des grands espaces pendant un temps déterminé, Alexandra se glisse dans le personnage d'une femme du pays. Et c'était absolument impossible sans toutes les expériences qu'elle avait faites auparavant. Et puis elle connaît la langue aussi. Voilà, oui, enfin, il y a plusieurs langues au Tibet, mais disons qu'elle connaît la langue de Lhasa. Elle connaît parfaitement les mœurs et les habitudes du pays. Elle connaît parfaitement la religion qui est fondamentale dans ce territoire lointain. Et puis, elle a cette force de caractère et cette expérience de son vécu en Himalaya. Il ne faut pas oublier qu'elle a suivi les enseignements d'un maître, un ascète tibétain tantrique, pendant 2 ans dans une caverne en Himalaya, au nord du Sikkim, de 1914 à 1916. Et là, elle a tout appris des méthodes des grands yogis tibétains. Oui, donc elle a une formation à la fois physique et mentale. Elle a le mental pour ça aussi. Tout à fait, elle a le mental. De toute façon, elle a toujours été très forte mentalement depuis sa petite enfance. Hein. Ça, c'est un trait de caractère fondamental chez elle. Mais en plus, elle avait cet acquis extraordinaire que n'avaient pas les autres explorateurs. Et puis, elle n'avait pas un temps limité. Elle a tourné, comme la fiction le dit très bien, elle a tourné pendant 2-3 ans au Tibet, se faisant reconnaître en tant que Dame Lama. À ce moment-là, elle avait une caravane avec des yaks, des serviteurs, etc. Et là, se rendant compte qu'elle n'arriverait jamais à franchir la frontière du Tibet interdit, sous cette forme officielle, si l'on peut dire, eh bien, elle se glisse dans la peau d'une femme du pays. Alors qu'elle n'en avait pas le physique, quand même. Hein. Oui. Donc, c'est une extraordinaire performance humaine. C'est une performance, plus, pas seulement de la dissimulation, on sent que c'est quelque chose qu'elle veut vivre aussi. Ah oui, oui, oui, c'est une expérience profonde pour elle-même. Et là, elle fait l'expérience de l'humilité totale, passant derrière Yongden, dormant n'importe où, mangeant quand il y a de la tsampa, c'est-à-dire cette farine d'orge grillée, buvant du thé au beurre rance, mais ça n'est pas si mauvais que cela, j'en ai bu aussi au Tibet, c'est très nourrissant. Mais c'est une expérience quand même très très dure sur le plan physique. Mais elle, son but, elle n'a jamais renoncé à ses buts, Alexandra Davinel, et là son but c'était d'atteindre Lhasa, d'accomplir un exploit. À votre avis, justement, Joël Désiré Marchand, cette fiction pose une question. Qu'est-ce qui la motive? C'est le bouddhisme ou le désir de gloire ou bien un peu des deux? Les deux, je dirais. Si vous voulez, quand elle était jeune, féministe, quand elle participait au mouvement féministe en tant que journaliste, hein, elle a écrit des textes très percutants sur la défense des femmes. Et elle conseillait aux femmes d'arriver, de parvenir à l'indépendance économique. Pour elle, la première chose à acquérir avant même les droits civiques, c'était l'indépendance économique. Et là, en fait, son grand objectif, c'était de parvenir à vivre de ses droits d'auteur futurs. Donc là, elle voyait la possibilité d'accomplir un exploit, d'en tirer des récits, parce qu'en fait, elle avait aussi un don de narratrice extraordinaire, et en tirer des récits et parvenir à vivre de sa plume. Donc là, elle arrivait à conjuguer tous ses objectifs en même temps. Elle a un sens pratique assez fort. Hein. Oui, assez fort, mais il fallait quand même avoir la force d'accomplir tout cela. Oui, puis donc, vous dites qu'elle veut être indépendante financièrement. Il faut bien comprendre, elle demande de l'argent à son mari. Ça, c'est une dimension aussi très intéressante de la fiction, c'est cette relation avec son mari. Mais c'est quand même son argent qu'elle réclame. Oui, Philippe Nel a quand même été un homme très, très bon et très large d'esprit. Ah oui, c'est une relation intéressante. Oui, absolument. Et donc, d'autres maris, il l'aurait peut-être laissé tomber. Hein, mais je pense qu'il devait y avoir une admiration réciproque entre deux. Et puis, elle ne l'a jamais oublié. Elle lui écrivait tous les 3 ou 4 jours ou tout le temps en lui demandant de conserver ses lettres car c'était son journal de voyage. Donc elle avait été mariée en 1904, elle avait vécu une vie à peu près de femme mariée traditionnelle, mais un jour elle a craqué et en 1911 elle est partie en Inde et elle avait dit à son mari « je reviens dans 18 mois » puis en fait au bout de 14 ans elle n'était toujours pas revenue. C'est-à-dire que oui, ils se sont mariés le 4 août 1904, mais la première lettre de la correspondance admirable, hein, qui fait l'objet d'un gros volume, eh bien la première lettre date de 10 jours après le mariage. Ah oui. Donc vous voyez, elle est restée très peu en fait avec son mari. Elle n'était pas faite pour la vie conjugale, et son mari l'a bien compris. Donc elle revenait par intermittence, mais elle avait un besoin viscéral de voyager, de bouger, de rencontrer des gens. Philippe Nel le dit dans la fiction, effectivement, elle dépérit dès qu'elle est obligée de rester en place. Il y a une chose très fascinante aussi dans l'exploit d'Alexandra David-Nel, c'est qu'en 1920, donc quand elle part, il n'existe pas de carte du Tibet. Ben, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-unes, mais qui sont très générales. Et par exemple, là, le major Pereira, qu'elle rencontre... Le major anglais, oui. Oui, le major anglais, bon, a levé des croquis de terrain. Il y avait quelques cartes existantes, mais très générales, à très petite échelle, c'est-à-dire sans le moindre détail, et des zones entières n'étaient pas cartographiées. Et Alexandra, justement, a l'idée de trouver son circuit du Yunnan par la vallée du Mekong jusqu'à Lhasa en consultant une des cartes du major Pereira. Mais elle-même n'en a pas du tout emporté avec elle, car elle voulait se faire passer pour une Tibétaine. Une Tibétaine n'a pas de carte dans ses bagages. Et comment elle fait alors? Elle avait recopié, Pereira lui avait permis de recopier des petits morceaux de croquis sur du papier chinois qu'elle avait roulé et qu'elle avait mis dans ses ourlets de pelisse. Autre belle chose, on n'aura pas le temps de parler de tout maintenant avec vous, Joël Désiré Marchand, mais cette relation avec Afour Yangdan est très belle. Il va l'accompagner en France quand elle reviendra en France? Oui, elle avait décidé de l'adopter. Disons que c'est une relation de maître à disciple qui se comprend par rapport aux philosophies d'Orient. Donc ça n'est pas du tout une relation de serviteur complètement. Le maître a son disciple et le disciple le suit et le sert. Mais elle va l'adopter. Elle va l'adopter en 1929. Il mourra avant elle. Il est décédé, oui, à l'âge de 55 ans, alors qu'elle en avait déjà 87. Et elle mourra à l'âge de 101 ans, dans sa maison de Digne. De Digne-les-Bains, oui, où lui l'avait suivi. Et finalement, 5 ans plus tard, Marie-Madeleine Perronnet arrive au service d'Alexandra. Grâce à Marie-Madeleine Perronnet, il faut surtout pas l'oublier, eh bien, Alexandra connaît encore la gloire. Livres aujourd'hui? Ah ben tous ces livres sont réédités, souvent en collection Pocket ou chez Plon ou chez d'autres éditeurs, tous sont réédités. Eh bien voilà, une belle conclusion. Merci beaucoup Joël Désiré Marchand. Votre dernier livre à vous, c'est Alexandra David-Nel, Passeur de notre temps, qui est disponible aux éditions Le Passeur. Vous êtes l'auteur également, entre autres, de Les itinéraires d'Alexandra David-Nel chez Artaud. Je signale également la parution de 2 bandes dessinées consacrées à l'exploratrice, preuve que le personnage continue de fasciner et d'inspirer. Une vie avec Alexandra David-Nel de Fred Campois et Mathieu Blanchot chez Grand Angle, et Alexandra David-Nel, Les chemins de Lhasa de Christian Clos, Christian Perissin et Boro Pavlovitch chez Glénat. Autant n'emporte l'histoire est terminée pour ce soir. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où je vous invite à découvrir le nouveau dessin de Nina Lueck. J'attends également avec impatience vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. Une nouvelle saison commence avec plein de nouveaux sujets qui j'espère vous intéresseront. Louis XIV et l'affaire des poisons, une série de scandales liés à des empoisonnements qui au XVIIe siècle secouèrent Paris et même l'entourage du roi à Versailles. Au programme également George Orwell, un Anglais en Catalogne. En 1936, le célèbre écrivain s'engage dans la guerre d'Espagne, une expérience qui lui inspirera son livre 1984. Mais avant cela, dimanche prochain, le 11 septembre, je vous raconterai l'histoire de Max Ernst et de Leonora Carrington, la passion amoureuse entre ces deux artistes surréalistes, emportée dans la débâcle de 1940, frisson garanti. À dimanche prochain donc, dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Noël Bréham pour sa nouvelle émission État d'esprit, consacrée aujourd'hui à un sujet qui aurait certainement plu à Alexandra David-Nel, la marche.